comment se faire comprendre. Dans le langage, dans l'expérience ordinaire, nous affrontons parfois des conflits, des disputes. Et parfois, dans ces conflits, avec des rapports pas toujours égaux entre les êtres humains, des rapports d'égalité, mais aussi d'inégalité, de pouvoir et de domination, il y en a parfois un qui recourt à la violence. Et ce qui nous frappe le plus, et qui peut-être nous choque le plus, c'est cette expression ordinaire qu'il y a parfois quand on recourt à la violence, c'est-à-dire surtout pas à une explication ou à un sens, et qu'ensuite qu'une femme ou un homme, peut-être plus souvent, dit « me suis-je bien fait comprendre ?» Par exemple, il nous a assommés, il a réduit son adversaire à en poudre, à néant, et il dit « me suis-je bien fait comprendre ?» Autrement dit, se faire comprendre ici, ce n'est pas proposer un point de vue subjectif et relatif sur le monde par opposition aux autres, ce n'est pas confronter les compréhensions, mais c'est plutôt imposer une compréhension du monde par la force ou par la violence, comme s'il y avait dans les relations humaines, dans les relations d'intercompréhension, d'intersubjectivité, un risque constant que les autres ne fassent pas attention à nous, ne comprennent pas notre logique, un risque qui peut susciter la violence même comme moyen de se faire comprendre. La force comme moyen de se faire comprendre, c'est au fond un risque permanent dans les relations humaines, et on a toujours l'impression que le fait de parler plus fort que les autres, que le fait d'imposer ses positions par la force, par la violence, de faire taire aussi les autres, est une manière de se faire comprendre. Comment se faire comprendre? C'est une question peut-être aussi profonde, aussi difficile, mais plus rarement étudiée que la question bienveillante première, ce qui est celle de comment comprendre autrui, comment comprendre les autres. Or, il est extrêmement important d'accéder aux moyens aussi de se faire comprendre autrement que par la violence, de faire que la compréhension, qui n'est pas seulement une connaissance de l'un par l'autre, mais qui est une connaissance mutuelle des uns par les autres, peut-être que c'est cela que veut dire véritablement le fait de comprendre ensemble, eh bien cette compréhension est toujours l'objet d'un travail mutuel, c'est l'objet de la conversation. Je cherche à me faire comprendre, et peut-être même qu'en cherchant à me faire comprendre par vous, je cherche, et c'est la condition pour me permettre de me comprendre moi-même. Peut-être que, bien loin d'avoir une vérité toute faite que je cherche à imposer aux autres et avec laquelle je vais avoir un cri de triomphe, je me suis fait comprendre ici, cette fois, une bonne fois pour toutes, peut-être que c'est exactement le contraire, que le travail de se faire comprendre est un travail perpétuel, y compris de se faire comprendre à soi-même le sens de ses propres actions. Ainsi, on comprend, justement, si j'ose dire, par cette confrontation, y compris conflictuelle et violente, des compréhensions subjectives, que la compréhension est en fait toujours un point de vue, que la compréhension n'est jamais seulement un savoir, mais un point de vue d'essence relatif, sans être pour autant faux, un point de vue qu'il faut confronter aux autres pour accéder à la vérité.